Parti mon kiki. Était une fois un géant dans un champ, assoiffé de là-bas, avalé méchamment. Ni la peur ni la foi, gitant dans sa vie, pas de loi. Imposant, écrasant tous ses pères pour conquérir la terre dans ses mains de la guerre, provoquant la misère des territoires conquis, sa chance relevée. Alors, juste un peu plus fort, parce que là, ça ne doit pas enregistrer bien grand chose. Attends, il y a des endroits, je sais pas ce qu'il y avait là. Marqué, allez, vite, vite, vite. Une fois, un géant dans un champ. Attends. Dans son clan. Dans son clan, dans sa vie, hein. Pas de loi. Il était une fois un géant dans un champ, assoiffé de là-bas, avalé méchamment, ni la peur, ni la foi, le guidait dans son clan. Dans sa vie, pas de loi, ainsi fait, imposant. Écrasant tous ses pères pour conquérir la terre, dans ses mains que la guerre, provoquant la misère, le territoire conquis, sachant se relever, se noyer comme sans vie, sans demain pour rêver. Les héros sont partis, le géant a gagné. Et il reste puni de n'avoir rien tenté. Allez, c'est parti! On continue, parce que là, ça y va, ça enregistre! Il était une fois un champ, un géant. Allez, on commence en bas. Il était une fois. Attends. Il était une fois un géant dans un champ, assoiffé de là-bas, avalé méchamment. Ni la peur, ni la foi, le guidé dans son clan. Dans sa vie, pas de loi, ainsi fait imposant. Écrasant tous ses pères pour conquérir la terre.